Comienzo con ella. Pero todavía no, espera, ¿qué es lo que tengo que decir? Intercultural. Mucho cultural. Intercultural. Kultura aniztasuna Antxeta irratian. Gure kunka. This is a film about a man and a fish. This is a film about a dramatic relationship between man and fish. The man stands between life and death. The man thinks, the horse thinks. Planetekol, Afrikan lan egiten duen gobernuzkanpoko erakundeak, bere bigarren saioa eskaintzen digu gaurkoan. Beraien lanaz eta baitare Afrikan lanean ari diren beste elkarte batzuetaz, mintzatzen dira gaur. C'était l'orchestre Baobab. Pour la seconde fois, Antxeta Irratia nous accueille. Nous remercions vivement la radio. Cette fois-ci, Yvon Balader est venu depuis les Landes. Et avec lui, nous allons parler de ses actions dans le cadre d'Africa, Afrique Santé et Planète École. Et ces actions-là vont se situer au Bénin. Donc, Yvon, nous allons t'écouter. Eh bien, voilà. Alors, moi, je suis membre de Planète École depuis 2003. Au départ, j'ai rien à voir avec le corps enseignant. Je suis fils d'enseignant, mais je suis dentiste. Alors, avant de rentrer à Planète École, j'étais présent sur le terrain, en particulier au Togo et au Bénin, dans le sud, près du golfe de Guinée. Et j'ai fait plusieurs actions médicales, plus particulièrement dans des petits villages togolais. Nous intervenions en dentaire, moi plus particulièrement, mais nous avions des médecins, des pharmaciens et des sages-femmes. On faisait beaucoup de travail, beaucoup d'extraction dentaire et beaucoup de soins curatifs. Petit à petit, on a diminué les soins curatifs pour des problèmes sanitaires en particulier. Et on s'est orienté sur de la prévention pour X raisons. C'était une région qui était infestée par le sida à l'époque et on travaillait dans des conditions d'hygiène tout à fait précaires, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas d'électricité. On arrachait des dents à longueur de journée et dans des conditions vraiment médiocres. Et surtout, gros problème de sida à l'époque. Petit à petit, donc, je me suis retrouvé au Bénin, à Grand Popo, où j'ai travaillé pendant 2 ans avec un gars qui s'appelle le docteur Lucien Toko, et qui était le médecin de Grand Popo, et qui lui aussi était très orienté sur la prévention, et qui, plusieurs années après, est devenu le monsieur prévention du ministère de la Santé du Bénin. Et c'est lui qui m'a invité à travailler essentiellement sur du préventif. Et c'est depuis que nous travaillons ensemble sur, au départ, toute le Bénin. Et petit à petit, on a limité notre action au niveau du sud-ouest du Bénin pour des raisons de logistique en particulier. Alors, ma rencontre avec Planète École, elle était très intéressante parce que comme je m'occupais de la prévention, au départ, du médical à curatif qui est devenu beaucoup moins important et après on s'est énormément orienté vers la prévention et ça c'était dans le cadre de mon association, c'est-à-dire Afrique Santé. Et j'ai rencontré à ce moment-là des adhérents de Planète École qui étaient très intéressés par mon action et qui, eux, Planète École, s'occupaient de la scolarisation, mais faisaient un petit peu de paramédical. C'est l'époque où vous ameniez un petit peu de parapharmacie, un petit peu de médicaments, à l'époque où on pouvait transporter les médicaments facilement. Bon, médicaments, c'est complètement interdit, et on ne fait plus sur l'Afrique en général. Et donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est de la prévention. Alors, en 2003, notre première action, ça a été, avec Planète École, l'organisation d'un container. J'avais commencé à travailler sur l'Adji. L'Adji est un quartier vraiment très défavorisé. C'est un bidonville qui est au nord de Cotonou, un village de la Crucustre, en bordure du lac Nokwe. C'est vraiment le bidonville avec une misère poussée à l'extrême. Vous êtes venu me rendre visite et vous avez visité ce quartier. C'est vraiment édifiant. Hein. Alors donc on a organisé, ça a été notre rencontre, on a organisé un conteneur qui était équilibré sur du matériel médical où je m'étais engagé à équiper les deux dispensaires de l'Adji et de DJ avec du matériel médical récupéré dans les hôpitaux de Dax, des hôpitaux de Pau, du mobilier. Et donc nous avons fait cette action. Et Planète École est intervenue avec un soutien scolaire très important, avec une collecte de livres scolaires et collecte de livres de bibliothèque. C'est comme ça qu'on a créé toute l'action qu'on a commencé à voir ensemble au niveau de tous les villages et de tous les petits villages du Mono en particulier, en équipant les écoles en livres scolaires, mais surtout en créant des bibliothèques. Ces bibliothèques étant ouvertes au niveau de l'école, mais étant ouvertes également au niveau du public. Voilà, c'est à peu près notre point de rencontre. D'accord, alors nous allons écouter un petit peu de musique béninoise, petit intermède. Nous pouvons certifier, par contre, c'est vrai que les conditions d'exercice de d'Yvon dans les villages que nous avons vus, les conditions de travail d'Yvon vraiment nous ont vraiment surpris. Nous sommes quand même habitués à un certain inconfort en Afrique, mais travailler un mois, en plus c'était son mois de congé annuel, pour nous c'est un sommet. Oui, pour vous situer un petit peu le problème au niveau des soins dentaires que nous faisions à l'époque sur des petits villages comme Agbanakin et Grand Popo et tous les petits villages qu'il y avait autour du Mono. Une journée de dentiste, c'était assez spécial, c'est-à-dire qu'on rentrait au dispensaire sur le coup de 8h et en général sur le coup de 7h30, il n'y a pas d'électricité, donc on est tributaire du soleil. Et en arrivant au dispensaire, on avait 60 à 80 personnes qui nous attendaient à la queue leu-leu et nous arrachions des dents. Alors, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, nous arrachions des dents sur des paillasses. Et vu que nous étions dans des pièces vraiment très sombres, il nous arrivait très très très souvent de mettre les tables dehors et d'arracher des dents dehors en plein air comme ça. Alors, les personnes étaient allongées sur la table, nous faisons des extractions sur des Africains, ce qui souvent ont des racines dentaires beaucoup plus longues que ce qu'on a ici. Et au point de vue hygiène, le crachoir, c'était carrément une bouteille de plastique, une bouteille comme nos bouteilles d'eau minérale que nous avions ici, que nous coupions en deux, la partie supérieure servant d'entonnoir pour cracher et la partie inférieure servant de récipient d'eau. Et cette eau venait du marigot qui était juste à côté, c'est-à-dire que tu avais de l'eau qui était complètement infestée d'un tas de saletés. Et c'est la raison essentielle pour laquelle j'ai arrêté de travailler sur Agbanankar en particulier, parce que il y avait tous les problèmes sanitaires, mais en plus il y avait nous étions en pleine période de sida, qui il y en avait partout quoi. Et alors c'est la raison pour laquelle dans un premier temps je suis passé sur Grand Popo, parce que sur Grand Popo on m'offrait le confort d'un dispensaire avec stérilisation et avec toute l'asepsie nécessaire. Et par la suite, j'ai évolué carrément sur de la prévention, parce que c'était prendre beaucoup de risques au niveau sanitaire et au point de vue santé. Mais comme on le verra plus tard, Yvon retrouve le plein air, parce qu'il est en train de subventionner une compétition sportive à travers notre association. Il développera tout à l'heure ce beau projet de remise de prix, de médailles, etc. Donc il a gagné enfin le plein air. Voilà. Bon, si vous voulez, à partir de là, je peux vous parler des actions que nous faisons maintenant au Bénin. Le Bénin Planète École au Bénin, c'est deux pôles. Il y a surtout deux intervenants qui sont de notre ami Samuel Nicole dans le Nord, du côté de Paracou et de Malanville. Alors lui, il intervient dans cette région tout simplement parce qu'il a été coopérant pendant des années et des années à Paracou, et qu'il a épousé une belle béninoise. Voilà, donc il a des attaches là-bas et il s'occupe essentiellement de cette région. Alors lui, Samuel, s'occupe beaucoup dans son secteur, il s'occupe beaucoup d'aide à la scolarisation. Sur du primaire, toutes les petites écoles, sur les collèges, mais également l'université de Malanville, je crois, ou de Paracou. De Paracou, c'est ça, hein, de Paracou. Et il fait un travail très intéressant, mais qui était essentiellement axé sur de la scolarisation. Il m'a aidé à une époque à faire de la prévention dentaire, et c'est vrai que il n'y va pas tous les ans, parce que pour des raisons professionnelles. Et une chose intéressante, c'est qu'actuellement, il s'oriente petit à petit vers une formation professionnelle sur l'apprentissage. Il estime, et il a bien raison, que le scolaire, c'est très bien, mais souvent, il y a des gamins sortis du scolaire, ils ne savent pas quoi faire, ils se retrouvent à la rue. Et c'est classique de trouver le gamin qui a fini sa scolarisation. et qui arrête tout pour être conducteur de ZEM. Le ZEM, c'est la moto-taxi, et ils ne font que ça. Et donc Samuel a commencé tout un travail d'apprentissage, en particulier avec les coiffeuses de Guéné, c'est ça? Oui. Hein, oui. Jean-Pierre, apprentissage, le lycée professionnel d'Andaï, nous en avons parlé la dernière fois avec détail, si vous voulez. Le lycée professionnel s'est investi et pour soutenir l'apprentissage, parce que l'apprentissage se fait chez les particuliers et payant. Mmh. Dans le lycée professionnel, mais il faut aussi souligner les dons du Crédit Mutuel ici, qui a participé justement à ce partenariat, donc à hauteur de 1 400 €. Et cet argent-là va être consacré à payer, disons, les formateurs qui sont des particuliers, pendant une année, peut-être même davantage. Mmh. Voilà, là, en gros, ce bon projet qui est en cours. D'ailleurs, Samuel est revenu avec les contrats d'apprentissage, tout ça c'est formalisé, l'argent est envoyé à qui, disons, de façon sécurisée. Et voilà, le projet donc, de l'apprentissage de Guinée. Voilà, c'est un sujet qu'on aura surtout tendance à développer ensemble au niveau du Bénin, parce que je pense que c'est une bonne formule et que c'est un plus par rapport à l'aide à la scolarisation traditionnelle qu'on fait. Alors moi, je me retrouve du côté du mono parce que tout simplement, j'ai travaillé depuis les années 2000, oui, sur le mono, c'est-à-dire sur le sud-ouest. Et c'est vrai que j'arrive à avoir un travail qui avec un certain suivi, et on peut se permettre de travailler sur du moyen terme et même du long terme. Alors l'action, elle est essentiellement de la prévention médicale, comme je vous ai dit. L'action médicale, ça se passe sur toutes les maladies classiques de l'Afrique, en particulier le palu, toutes les maladies diarrhéiques. Il n'y a pas accès à l'eau potable et ils vivent dans des conditions vraiment très très difficiles. Toutes les maladies diarrhéiques, allant même jusqu'au choléra, il y a évidemment tous les problèmes de salubrité, tous les problèmes d'hygiène. Et nous sommes en train de faire un très gros travail à ce niveau, en particulier avec notre ami Lucien Toko, qui est le grand patron de la prévention. On fait aussi de l'aide à la scolarisation. Toutes les écoles que nous visitons, on leur apporte un soutien au niveau de l'école, au niveau de la classe, avec du matériel mobilier externe et mobilier interne. Ça peut aller de des bancs et des bureaux, jusque récemment une demande de balançoires pour les écoles maternelles. On commence au Bénin à avoir pas mal d'écoles qui sont équipées en école maternelle. Mais je parle surtout en milieu rural. Et on les équipe également en bibliothèque. Alors je vais vous parler, si vous voulez, des principes d'une mission. Comment s'organiser une mission? Toutes nos actions sont définies en amont. C'est-à-dire que quand je fais une mission, à la fin de la mission et pendant la mission, je vais bien m'appliquer à écouter toutes les demandes et tous les besoins de nos partenaires. Et à partir de là, on va définir un travail qu'on va appliquer l'année d'après. Toutes les demandes de nos partenaires locaux sont définies en fonction avec la signature d'une convention, mais également avec un devis. Aucune action sans devis ne sera prise en compte. Ces devis nous permettent d'avoir des prix d'artisans locaux et surtout de faire travailler des artisans locaux. Par la suite, ces demandes avec convention et devis seront discutées dès notre retour au conseil d'administration de Planète École si le conseil d'administration y trouve un intérêt, on fera cette action en fonction des finances de Planète École. D'accord. Donc on va écouter un morceau maintenant de Manu Dibango. Après, on fera peut-être une escale à Cotonou. On parlera, avant de revenir au projet, on parlera un petit peu de la vie sur Cotonou, du marchandage, des Mama Benz, et peut-être de la circulation à Cotonou, avant d'en revenir, n'est-ce pas, au projet 2012, plus précisément. Alors bonsoir, je suis Françoise, vous m'avez déjà entendu lors de la précédente émission. Jean-Pierre m'a annoncé pour parler, je vais vous parler un petit peu des mamas et des tatas du Bénin. Je suis partie en mission il y a 2 ans au Bénin, au Togo, avec Yvon justement. Et donc je vais vous raconter quelques petites anecdotes. Les Mama Benz de Cotonou sont des femmes très respectées, honorables et qui jouissent d'une grande popularité au Bénin. En fait, à l'origine, c'est un groupement de femmes illettrées, mais qui étaient très dynamiques, qui se sont consacrées au commerce du tissu. Alors, la femme béninoise et surtout les femmes yoruba qui forment justement l'ensemble des Mama Bands, se font un devoir de cultiver leur indépendance économique. Et elles ont réussi à devenir de véritables femmes d'affaires, des business women, et sous après sous, en économisant tout ce qu'elles pouvaient comme argent, elles ont finalement construit un empire. Alors Benz, pourquoi Benz, Mama Benz? Tout simplement parce qu'elles ont tellement économisé d'argent qu'elles ont eu des moyens de s'acheter de grosses Mercedes-Benz. Ah, voilà. Juste quelques mots de des Yoruba. Les valeurs cardinales de cette société se résument en quelques mots: l'endurance, la rigueur, le sens des affaires et le devoir d'indépendance matérielle de la femme. Voilà pour les Mama Benz. Je vais vous parler des tatas maintenant. Les tatas samba, en fait, j'ai été très impressionnée par cette forme d'architecture tout à fait exceptionnelle que nous avons pu découvrir dans le nord du Bénin et le nord du Togo également. En fait, si on doit simplifier, c'est pratiquement de petits châteaux fortifiés. Ce sont des cases traditionnelles, pardon, mais qui ont la particularité d'avoir un étage, et ces cases jouent un rôle défensif et économique. Elles abritent des familles, mais elles abritent aussi toutes les récoltes de grains ainsi que les animaux. Et plusieurs ethnies différentes d'ailleurs ont adopté cette forme d'architecture. On utilise pour faire ces magnifiques constructions du banco ou pisé. C'est un mélange en fait de terre argileuse, de feuilles, de bois et de graisse. Alors ça peut être du beurre de karité, mais ils utilisent également la graisse provenant de certaines graines qu'ils trouvent sur place. Alors, le risque de voir ces magnifiques constructions au détriment des cases que l'on voit maintenant dans les villages, des cases rectangulaires qui sont coiffées de feuilles de tôle, ce risque-là était tel que le Togo a fait noter ces cases sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Petit mot encore sur le Tata Samba, il n'a qu'une seule entrée et l'entrée se trouve toujours face à l'ouest, l'est étant considéré comme un mauvais côté, et tous les maux provenant tous les maux de la société sont ouverts sur l'est. Donc il est composé d'un rez-de-chaussée et d'un étage avec une terrasse. La cuisine d'ailleurs, des fois, est sur la terrasse à cause du... Quand il y a par grand vent, quand l'armatan souffle, on fait la cuisine sur la terrasse. Et on accède aux chambres très particulièrement. On accède aux chambres et aux greniers par une échelle en bois taillée dans le tronc d'un arbre. Mais j'ai monté cette échelle, mais c'est pas facile parce que ce sont des encoches qui sont régulières sur le tronc de l'arbre, et mais elles sont tellement petites, il y a juste de quoi permettre aux orteils de prendre appui pour grimper. Voilà, c'est pas facile, mais en tout cas le Tata Samba est une magnifique construction et on espère qu'elle ne disparaîtra pas de la nature. Donc avant d'en revenir au projet d'Yvon, maintenant qu'ils vont il va vous en livrer le détail. Une brève, par exemple, ces jours-ci, le pape a visité le Bénin, Cotonou, pour commémorer la 150e année de christianisation du Bénin. Il s'est passé quand même des choses particulières à cette occasion. Les associations de vendeurs d'essence frelatée de Cotonou ont décidé de cesser leur vente pendant 3 jours. Ces associations constituent un lobby, mais très très puissant. À la vue des douaniers, sur route, sur les lacs, les cours d'eau, leurs membres importent, enfin ce n'est pas tout à fait le terme légale, ou plutôt rapatrie l'essence du Nigeria, en particulier sur des mobilettes, un chargement improbable qui est vraiment impressionnant, avec qui provoque d'ailleurs beaucoup d'accidents. Imaginez quand il y a un accident, quand il y a plus de 100 litres d'essence sur la mobilette, qu'est-ce qui peut se passer? C'est vraiment terrible. Donc l'essence, et ça fait partie de nos étonnements quand on visite Cotonou, n'est-ce pas Yvon? Oui. L'essence, elle est vendue dans les bonbonnes en verre. Vous savez, enfin, pour les personnes un petit peu âgées, ces bonbonnes en verre que l'on utilisait pour le vin, ici, autrefois. Oui. Ce qui vaut évidemment de très belles couleurs. Bon, peut-être les indices d'essence sont un petit peu différents dans les bonbonnes. En tout cas, l'autre point d'étonnement, c'est lorsque l'on se trouve arrêté avec notre 7 places, ou notre 5 places, la voiture d'Yvon, à un feu vert, c'était un 5 places, la voiture d'Yvon, à un feu rouge. Lorsque vous avez 200 mobilettes devant vous, qui démarrent au feu vert, c'est vraiment un nuage. Quoi. Et donc il faut toute la maîtrise du conducteur et des conducteurs de Zemizen, et vraiment ils maîtrisent leur trajectoire pour pouvoir avoir une route à peu près normale. Mais là, on va s'oxygéner un petit peu, on va revenir peut-être au projet et aux médailles équivalentes en UFOLEP de d'Yvon. Mais j'aurais presque aimé vous parler de particularités, deux actions qui ont été faites avant de vous parler du projet. Je voulais vous parler des inondations du Bénin en 2010, où Planète Agricole a eu un rôle non négligeable. Nous avons organisé, c'est des inondations qui ont duré à peu près 4 mois, plus de 4 mois. Il y a tous les... le lac Nokwe a débordé avec tous les villages lacustres qu'il y avait autour de Cotonou, et ça a été des inondations très importantes où il y a quand même eu 43 morts. Il y a eu énormément de recrudescence de maladies, en particulier le choléra a envahi complètement le nord de Cotonou. Et Planète École a réussi, de par quelques collectes et quelques manifestations, à récupérer un petit pactole qui a permis d'acheter en grande quantité ce qui nous était demandé par le docteur Théophile Undouedou, qui est le grand patron du dispensaire de l'ADJI. Nous avons pu financer l'achat de nombreuses moustiquaires, de beaucoup de médicaments, mais également de denrées diverses, et en particulier du riz. Et également du pétrole, parce que c'est une région où il n'y avait pas de bois, il n'y avait plus rien, ils étaient incapables de faire la cuisine, quoi. Hein. Et ça a été des inondations très importantes dont la presse européenne, et en particulier française, a vraiment gommé cette chose-là. Et la chose très importante dont j'aimerais vous parler également, c'est le problème de la déscolarisation et le problème des enfants. Souvent lié à une pratique d'esclavagisme infantile qui est une réalité au Bénin. Pour exemple, j'en reviens à notre ami le docteur Théophile Undouedou, médecin du dispensaire de l'ADJI. Il s'occupe donc du dispensaire, mais il est incapable de rester indifférent à la misère, et c'est comme ça qu'il a été le... Il a construit une école, l'école d'Aimlan Fidé, où je vous ai amené, qui est une école sur pilotis, qui est vraiment au cœur de la grande misère de la périphérie de Cotonou. Et également, par rapport à ces problèmes de déscolarisation, il a créé une ferme à Zakopa. Zakopa est un petit village tout à côté de Bouikon, où les enfants qui ne sont pas scolarisés dans des familles très miséreuses sont vendus aux Nigériens en tant qu'esclaves et vont casser des cailloux au Nigeria. Alors Théophile, qui est à une fibre un petit peu sensible, a entre guillemets racheté ses gamins. Ça se dit pas de racheter les gamins, je sais pas comment on fait le dire. Il a racheté ses gamins, il a donné de l'argent pour récupérer ses gamins. Et il a créé une ferme pour les réinsérer à la vie sociale. Ces gamins lui ont permis d'avoir un petit peu de fruits de leur travail en en agriculture, mais également en élevage. Et ces gamins vont vendre les produits de la ferme dans les villages alentours, en particulier à Zakopa et à Bouicon. Et avec les gains, avec le bénéfice de cette vente, Théophile peut leur payer la scolarisation et les réinsérer à la vie sociale. C'est une chose vraiment très importante. Donc oui, là, si on va, la transition va être un petit peu brutale avec Tiken Jafakoli qui chante vraiment un morceau qui révélateur de distorsion entre ce que peut faire la France et la réalité là-bas sur le terrain. Esclavagisé, colonisé, matérialisé, dévalisé. Ainsi dans l'Afrique, gloire du fric. Ainsi dans l'Afrique, gloire du fric. Ainsi dans l'Afrique, gloire du fric. Ainsi dans l'Afrique, gloire du fric. Les montagnes de fric volées par la France-Afrique. Les tyrans complices, les gars dans les comptes en Suisse. Les poulevins des survins, les crédits des débits, aïe aïe. Ainsi dans l'Afrique, gloire du fric. Ainsi dans l'Afrique, gloire du fric. Ainsi dans l'Afrique, gloire du fric. Ainsi dans l'Afrique, gloire du fric. Afrique m'a dirigé, tyrannisé, manipulé, dévalué. Ainsi dans l'Afrique, gloire du fric. Ainsi dans l'Afrique, gloire du fric. Ainsi dans l'Afrique, gloire du fric. Ainsi dans l'Afrique, gloire du fric. La somme des mercenaires et les armes des tortionnaires. Des milliards de francs volés des pays souffrants. Les coups de fouet, du fouet, les sassous, des sassous, ya ya ya. Ainsi dans l'Afrique, gloire du fric. Ainsi dans l'Afrique, gloire du fric. Ainsi dans l'Afrique, gloire du fric. Ainsi dans l'Afrique, gloire du fric. Distorsion, oui, entre ces actions malheureuses et ce que nous pouvons faire à notre petit niveau, Yvan. Oui, mais je pense que dans toutes nos actions, je crois qu'on a le grand mérite d'avoir... Il y a beaucoup d'associations en Afrique, des petites associations qui font un travail extraordinaire, que ce soit sur de l'éducation, sur de la santé, agriculture. Il y a tout un réseau de petites assos qui font du travail. Bon, je peux vous parler de... On peut prendre un exemple sur la mission que nous organisons donc au mois de... En 2012, là, au Bénin. La mission s'étalera sur 4 ou 5 mois. J'ai l'avantage d'être retraité depuis quelque temps et de pouvoir voir les choses différemment. Alors, au programme, nous avons... Un échantillon d'une dizaine d'écoles. Il y en a 5 au Bénin et 5 au Togo. Tout simplement parce que nous sommes sur une région frontalière. C'est comme si on traverse la Bidassoa pour aller d'Andaï à Iroun et on est très près. Hein. Nos grandes actions, c'est donc la prévention médicale que je vous ai décrite tout à l'heure et c'est moi qui m'en occupe de par ma profession. Toutes les écoles, en particulier toutes les classes de CM1 et CM2, sont visitées et pour parler de tout ce que je vous ai raconté tout à l'heure, c'est-à-dire palus, maladies diarrhéiques, hygiène. Et on travaille sur des CM1 et CM2 essentiellement pour des raisons de compréhension. Tout le monde ne maîtrise pas le français en milieu rural en particulier. Et toutes ces actions sont dans toutes les écoles, je dis bien. Dans toutes les écoles, Nous faisons et nous avons une aide à la scolarisation également, avec aide à la scolarisation au niveau de l'école en général, avec du mobilier externe et interne. C'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'était les bancs de classe, c'est les balançoires pour les écoles maternelles. Mais au niveau de la classe, nous achetons beaucoup de matériel scolaire. Avant, nous en amenions un petit peu de France par container, mais on s'est rendu compte que ça coûtait très cher et on a préféré acheter du matériel sur place. En même temps, ça fait marcher le commerce local. Hein. Et ensuite, nous agissons au niveau individuel. Chaque gamin est équipé avec des cahiers, avec des crayons, des stylos, tout ce qu'il veut. Et tout ça, c'est évidemment les enseignants qui ont bien défini leurs besoins au départ. Hein. Ensuite, nous avons également des créations de bibliothèques. Voilà pour l'aide à la scolarisation. Alors, cette année, on nous a demandé des choses un petit peu particulières. Le Mono est une région lacustre, c'est-à-dire il y a beaucoup de bolons, de lagons, il y a beaucoup d'eau. On en circule essentiellement en pirogue. Et ça a été la découverte d'un petit village qui s'appelle Kouita, qui est à... C'est l'estuaire du Mono qui se jette dans le golfe de Guinée. C'est un village complètement isolé, mais à côté, il y a un tas de petits hameaux où, souvent, dans les cases, il y a une pirogue, mais la pirogue, elle a servi au papa qui est allé travailler les champs et des trucs comme ça. Et les enseignants de ce village de Kouita m'ont demandé de les aider à financer une pirogue pour faire du ramassage scolaire. Au départ, j'ai rigolé un petit peu parce que je me disais, quand je vais arriver en France et quand je vais demander ça à mes amis de Planète École, ils vont tous pouffer de rire. Et en fait, c'est une évidence, quoi. C'est un besoin. Autre demande qui m'a été faite par une école, un gros groupement scolaire, ils organisent des manifestations sportives et des manifestations culturelles, un petit peu l'équivalent de ce qu'on a chez nous avec l'UFOLEP. Hein, et ils m'ont demandé de leur donner un petit coup de main sur des trophées pour leur remise des prix et compagnie. Bon, ça, je pense que Planète École peut arriver à financer une quarantaine ou une soixantaine de médailles. Quand on connaît la joie d'un gamin de chez nous quand il reçoit une médaille avec un ruban, j'imagine que le petit Béninois va être le champion du monde de... Alors, autre demande est d'une grande importance. L'école de Ewekonji. Ewekonji est un petit quartier à côté de Grand Popo. Grand Popo est un chef-lieu de canton au sud du... vraiment au sud, à la plombe de la frontière. Et eux, ils auraient besoin d'une école, d'une salle de classe, disons, avec en particulier deux classes et une bibliothèque. Et la particularité, c'est que cette bibliothèque serait ouverte au niveau de l'école, mais serait également ouverte au village pour que les gamins puissent venir lire au niveau de la bibliothèque. Alors ça, au départ, ça me faisait un petit peu peur, parce que c'est un financement qui est non négligeable, c'est un financement qui frise à peu près, nous en sommes en financement. Tout ça est évidemment accompagné d'un devis avec des artisans locaux, et quand ils m'en remettent le devis, c'est un devis qui arrive à 3700 euros à peu près. Là aussi, j'étais très inquiet par rapport à mes relations avec Planète École quand je leur présenterai ce projet-là. Mais maintenant, j'ai beaucoup moins de scrupules parce qu'à force d'essayer de trouver de l'argent à droite, à gauche, d'essayer de trouver des cofinancements, mais j'ai eu le plaisir de vous annoncer que le Secours Populaire de Dax va nous aider plus particulièrement pour cette école avec un financement de 3000 euros, ce qui fait que ça change complètement le projet. Voilà. Et grand merci au Secours Populaire de Dax, parce que là, ça change complètement la donne, et je pense qu'on peut affirmer que nous construirons l'école des Wekonji. Hein. Voilà. C'est à peu près tout ce que je voulais vous raconter sur notre mission, et en vous affirmant qu'il y a énormément de choses à faire. Que souvent, quand je rentre de là-bas, moi, les choses que je ressens, c'est surtout le grand bonheur et le grand plaisir de pouvoir réfléchir avec les gens de là-bas, avec tous les partenaires de là-bas, pour essayer de trouver des solutions à leurs problèmes. Et je pense que déjà, c'est pas mal, quoi. Hein ? Voilà, Jean-Pierre. Oui, on va revenir peut-être un petit peu au contexte, enfin très, très rapidement, pour connaître un petit peu la vie béninoise. Il se trouve qu'il y a, à l'initiative des Nations Unies, il y a ce que l'on appelle les objectifs du millénaire. Les objectifs du millénaire, quant à la réduction de la pauvreté, par exemple, c'est de réduire de 50% la population béninoise vivant en dessous du seuil de pauvreté. Dans cet objectif, pour 2015, ne sera vraisemblablement pas atteint. Il faut dire qu'à la suite des inondations, 40% des surfaces de sol qui recevaient dans des cultures de diverses cultures ont été perdues, qu'il va falloir les récupérer. Donc le Bénin actuellement, par exemple, importe le double de ses importations, donc c'est pas une situation favorable justement quant à la réduction justement du seuil de la pauvreté. Un des deuxièmes objectifs aussi de l'OMD du millénaire, c'est d'assurer une éducation primaire pour tous. Donc évidemment, cet objectif nous concerne au plus haut point. Et un effort vraiment assez considérable est fait, même si Yvon a parlé, par exemple, d'une certaine déscolarisation des filles. Mais c'est un objectif donc qui est sur la bonne voie pour les années 2015. Également, réduire la mortalité infantile. Le taux de mortalité infantile, je vous donne là un chiffre, on ne vous a pas trop donné, est de 125 pour 1000, disons actuellement. L'objectif, c'est de le faire passer, de le réduire de moitié, disons pour atteindre les 65 pour 1000 pour les années 2015. Voilà quelques chiffres. Je vais rajouter aussi ce qui concerne le sida. Yvon a parlé, disons, d'une situation très critique qu'il a connue. Actuellement, le taux de prévalence du sida est à peu près de 2 pour 1000. Il se maintient à cette hauteur depuis plusieurs années et bon, ce sera certainement encore assez difficile de faire baisser ce taux. Donc nous allons aller maintenant vers d'autres éléments du contexte. Françoise va en terminer, chers auditeurs, pour cette deuxième émission. Oui, voilà. Alors, vous avez vu, nous avons parlé d'aide à la scolarisation, à l'accès à la culture et d'interculturalité également. Et donc vous avez bien compris qu'il est naturel que notre association Planète École se tourne vers l'autre, mais avec un grand A. Elle se tourne vers les structures ou les institutions qui ont des liens avec les pays qu'elle soutient pour justement pouvoir développer des actions communes qui peuvent déboucher sur des partenariats, car selon un proverbe africain, ce que un peut faire, deux le feront mieux. Elle se tourne vers le milieu associatif et toutes ces associations qui œuvrent dans les pays dits émergents. Elle se tourne vers les médias comme Anchita Iratia, qui nous aident à faire connaître et reconnaître le travail de fourmi de toute une équipe de bénévoles. Et elle se tourne également vers toutes les personnes interpellées par l'Afrique. L'Afrique avec un grand A également, interpellée par ses misères désespérées, par ses guerres tribales, par ses complexités, par ses économies mutilées, et puis que sais-je encore. Mais aussi, elle se tourne vers ces femmes courageuses, qui en sont véritablement la colonne vertébrale, par sa capacité à s'adapter, à créer et à se renouveler chaque jour, par sa joie de vivre, par son authenticité, et surtout par les valeurs qu'elle a su encore jalousement conserver. Alors, je vous invite, et peut-être que vous avez l'intention de nous rejoindre. Nous avons un très beau site web. Nous sommes très fiers de ce site. C'est un site interactif. Vous verrez, il est très plaisant. Alors, je vais vous communiquer notre adresse web. C'est www.planète.com. Planète sans accent sur le E de planète école au pluriel, .com. Alors venez découvrir ce site et vous trouverez tout le détail de nos actions ici et nos actions là-bas. Alors, je vous remercie encore Anchita et Ratia. Je remercie Mickaël qui nous encourage derrière la vitre là. C'est un réconfort pour nous. Mileshker. Mileshker. C'est une musique de Ray Lema. Ray Lema, qui est un chanteur congolais internationalement connu, qui se produira pour Planète École dans le courant du mois d'avril à Ondres. Annette dit le 7 avril, en principe. Donc, ne manquez pas de nouveau de faire Planète École. Bon, sur Google, vous aurez le site et vous aurez les informations, entre autres. Et venez donc au mois d'avril écouter, venez rejoindre aussi Planète École, tout simplement. Et l'expo actuellement, nous avons une expo qui vient d'être ouverte aujourd'hui et à la médiathèque ici en Daï et qui se tiendra jusqu'au 3 décembre. Inclus. Merci, Milesker, Anjeta et Latia. Arratsaldeon, irakasle lagunak. Arratsaldeon, Cecily. Bai zuri ere. Ongi zarete? Osongi, Martia, eta Angi eta Cecily. Eta zuek, ikasleak, ongi lan egin duzue. Vous avez fait du bon travail. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir à toutes les dames qui sont autour de moi. J'en ai trois aujourd'hui. Et bon, je vais essayer de tenir le coup. Nous voyons maintenant la hirugarren ikasgaiaren berrikuspena. La révision de la troisième leçon. La dernière fois, nous avons vu les trois démonstratifs. Hau, hori, hura. Neshka hau, cette fille-ci, à côté de moi. Etche hau, cette maison-ci. Mutiko hori, ce garçon-là, un peu plus loin. Gison hori, cet homme-là. Heri hura, ce village là-bas. Mendi hura, cette montagne là-bas. Et voyons les principaux mots du vocabulaire. Etche, maison. Etchea, la maison. Mendi, montagne. Mendia, la montagne. Heri, village. Heria, le village. Subi, pont. Subia, le pont. En général, la terminaison « a » traduit l'article « le » ou « la » qu'on appelle aussi le déterminant. Voyons quelques exceptions. Certains noms se terminent par un A organique. Et alors, il n'y a pas lieu d'ajouter un A supplémentaire pour déterminer. Par exemple, Neshka veut dire aussi bien fille ou la fille. Karika, de même, veut dire rue ou la rue. Pilota, pelote ou la pelote. Bat signifie un ou une et suit toujours le nom. Echebat, une maison. Heribat, un village. Gisonbat, un homme. Lagunbat, un ou une amie. Revoyons maintenant le vocabulaire employé jusqu'à maintenant. Ikasle, élève. Et irakasle, professeur ou enseignant. Mutil ou mutiko, garçon. Lagun, ami, masculin ou féminin. Etche, maison. Heri, village, ou bien pays, ou encore peuple. Karika, rue. Gison, homme. Neshka, fille. Soubi, pont. Mendi, montagne. Polite, jolie, au masculin ou au féminin. Egunon, bonjour. Arratsaldeon, bon après-midi. Milesker, merci. Gawon, bonsoir. Et maintenant, voici le texte de la quatrième leçon. Serreche Polita. Quelle jolie maison. Ikushi, hau, nire etxeada. Satoste. Voyez, ceci est ma maison. Venez. Ados. Guasen. Suk etxe polita duzu. D'accord. Allons-y. Vous avez ou tu as une jolie maison. Bai. Nik etxe polit eta handia dut. Zuek ere etxe handia duzue. Oui, j'ai une jolie et grande maison. Vous, au pluriel, vous avez aussi une grande maison? Es, guk etxe tipia dugu. Non, nous avons une petite maison. Bai, bainan lorategi bat duzue. Oui, mais vous avez un jardin d'agrément. Ah bai, loretegi polit bat. Ah oui, un très joli jardin d'agrément. Nous allons maintenant continuer en étudiant le verbe ukan. Ukan aditza. Ce verbe va nous donner quelques difficultés, mais nous allons les résoudre pas à pas. Après le verbe isan, être, voici donc le deuxième verbe auxiliaire ukan, qui correspond en gros au verbe avoir en français. Isan, nous avons donc dans la famille d'Isan ni ikaslea naiz, je suis élève ou l'élève. Gu lagunak gara, nous sommes amis. Zu irakaslea zara, vous êtes enseignant ou enseignante. Et voyons maintenant le verbe ukan, avoir. Nik etxe handia dut. J'ai une grande maison. Guk etxe tipia dugu. Nous avons une petite maison. Zuk loretegi polita duzu. Vous avez ou bien tu as un joli jardin d'agrément. Avec le verbe ukan, avoir, nous aurons donc un pronom sujet se terminant par un ka. Nik, guk, suk, etc. Si ni est un nominatif, qui veut dire passif, nik est un ergatif, c'est-à-dire actif. Notons que suek et ayek se terminent par un ka et que ce sont les mêmes, qu'ils soient au nominatif ou à l'ergatif. Isan, suek sarete. Ukan, suek dusue. La conjugaison du verbe ukan. Elle est déroutante au départ, mais elle est aussi très logique. Ici, il y aura toujours deux personnes liées. Désormais, les pronoms passifs apparaîtront en petite majuscule soulignée et les actifs en majuscule dans les copies que vous avez entre les mains. Suguk ikushi saitugu. Nous vous avons vu. Et nous avons ensuite l'inverse. Gu suk ikushi gaitusu. Vous nous avez vu. Mais surtout, n'allons pas trop vite. Et commençons par les formes les plus simples et les plus courantes, en prenant pour base « d'où », auquel on ajoutera un suffixe pronom. Hura, nik, ikushi, dout, le t montrant le je. Je l'ai vu, ou bien j'ai vu. Hik, ikushi, duk. Que, le cas, égale tu. Hik, tu. Tu l'as vu, toi, au masculin. Hein? Et au féminin, hik, ikushi, dun. Le N représente le « tu » féminin. « Tu l'as vu ». Mais ceci est toujours pour mémoire, puisque nous n'allons pas plus loin dans ce domaine-là, dans le tutoiement. « Hura, hark, ikushidu. » « Il l'a vu. » Ou « Elle l'a vu. » « Guk, ikushi dugu. » Gu, nous. Nous l'avons vu. Suk, ikushi dusu. Su représentant vous. Vous l'avez vu ou tu l'as vu. Suek, ikushi dusue. Sue qui montre le vous pluriel. Vous l'avez vu. Hayek, ikushi dute. T, il ou elle au pluriel, ils ou elles l'ont vu ou ils ou elles ont vu. Le D de doute, douk, doun, etc. représente hura, passif, singulier, et représenté par le L apostrophe dans vos fiches. Le U, plutôt le OU d'ailleurs, c'est le radical de ukan. Et nous l'avons déjà dit, il égale elle. Comme vous le voyez, cette conjugaison d'ukan n'a rien à voir avec la conjugaison française. Vous êtes déjà au cœur des difficultés de la langue basque. Un dur moment. Mais ce n'est rien à côté de la joie qui vous attend à l'arrivée. Il faut tenir absolument. C'est un passage difficile, mais nous vaincrons cette difficulté. Et voyons un petit peu de vocabulaire. Ikushi, qui veut dire vu ou voyez, etc. Satoste, venez au pluriel. Guasen, allons ou allons-y. Adosh, qui veut dire d'accord. Deux adjectifs aussi dans le vocabulaire. Handi, grand ou grande. Tipi, petit ou petite. Et un autre mot de vocabulaire, loretegi. C'est un nom composé de lore, qui veut dire fleur, et tegi, lieu. Loretegi, jardin d'agrément. Nous allons passer maintenant aux exercices. Ariketak. Ni handia nice. Je suis grand, grande. Nik etxebat dut. J'ai une maison. Nire etxea da. C'est ma maison. C'est celle-là, notre maison. Voilà, nous avons terminé la quatrième leçon. J'espère qu'elle n'a pas été trop difficile. Allez, bon courage, egin lan ona eta ikusarte.